Alors bonjour, je suis le four à micro-ondes de monsieur. Son répondeur a foutu le camp avec le magnétoscope et la télé. Temporairement, donc c'est moi qui prends les messages. Alors si je vous chauffe les oreilles, veuillez raccrocher. Sinon, laissez-moi un message tout bêtement. Allez, à plus. Je l'aime.